plus se laisser distraire, désarçonner. Vas-y, zig. Coucou, zig. Vas-y, mais fais un truc sur le 4-4 et sur le. Et qui commence sur le 1. Allez, zig. What was that? And I can't take it. Like that, right? You want to play that? Okay, let me find the lyrics for the Robbie Williams. Oh! veux marcher. Je veux pas marcher le samedi. Tu t'appelles pas Thomas. Et le brouillard, ça. Non, dans le théâtre, ça moncelle. Le brouillard, dans le théâtre, ça moncelle. Le brouillard, les corps se meuvent dans le brouillard qui s'amoncelle. Dans le théâtre. Dans le théâtre où s'amoncelle les corps comme le brouillard. We'll be right back. I'm sorry guys, I have to go. The last 5 minutes, I have 5 minutes left. Hey, good jamming with you, man. So I'm gonna dictate. Yes. I'm leaving in 3 minutes. Mm-hmm.